février, il fait bien bien nuit. Merci d'écouter Espace dans les rues de Pont-Audemer. Il est 18h, tout de suite un nouveau point info national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Deux porte-paroles des Gilets jaunes devraient rencontrer dans la soirée François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, depuis l'Élysée, où il s'exprimait pour présenter la trajectoire énergétique de la France, Emmanuel Macron a lui eu des mots compréhensifs pour les Gilets jaunes. Je ne confonds pas les casseurs et les concitoyens qui veulent faire passer un message, a-t-il expliqué dès le préambule en référence aux débordements observés notamment samedi lors des manifestations à Paris. Le président, qui a d'abord détaillé ses objectifs en matière de transition écologique, a ensuite consacré une bonne partie de son intervention à rassuré. L'affaire Daval recèle encore une grande part de mystère. Après l'annonce de l'existence d'un écrit troublant dans l'ordinateur de Jonathan Daval hier, une nouvelle révélation pourrait faire basculer ce tortueux dossier. Trois ADN distincts avaient été retrouvés dans l'utilitaire utilisé par Jonathan pour transporter le corps de son épouse. Le sien, celui d'Alexia, et une troisième empreinte non identifiée mais présentant une forte probabilité de lien de parenté. Selon les parties civiles, ce cheveu bicolore de 8 cm appartient en réalité à Martine Henry, la mère de Jonathan Daval. Le juge doit interroger le principal suspect ce jeudi. La plainte pour viol déposée contre le député Rassemblement National Gilbert Collard a été classée sans suite fin octobre, a indiqué le parquet de Marseille. L'enquête avait été ouverte après la plainte en juin d'une femme affirmant avoir été violée à deux reprises par Gilbert Collard dans son cabinet d'avocat à Marseille en 2006 et 2007. Cette femme a affirmé être une cliente de Gilbert Collard. La police judiciaire de Marseille a enquêté pendant 3 mois sur cette affaire. Elle est arrivée à la conclusion que les faits reprochés n'étaient pas établis. L'auteur de l'attentat d'avril 2017 contre le bus de l'équipe de football de Dortmund qui avait fait 2 blessés avant un match contre Monaco a été condamné à 14 ans de réclusion pour tentative de meurtre. Sergei Venergold, un électricien germano-russe âgé de 29 ans, avait eu l'idée de décimer l'équipe pour faire chuter le cours de l'action du club contre laquelle il avait spéculé dans le but de s'enrichir. Enfin, 30 000 places ont déjà été vendues pour les demi-finales du top 14 qui auront lieu les 8 et 9 juin prochains à Bordeaux. Hier, la Ligue nationale de rugby a mis en vente 20 000 billets qui ont trouvé preneur en 24 heures. À cela s'ajoutent les 10 000 places réservées aux abonnés des clubs de top 14 et de Pro D2. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Et dans les prochaines minutes, Lord Luxury avec un bonus, mais tout de suite David Guetta avec Say My Name sur Espace. L'After School d'Espace. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart.

l'instant avec un Dadju sur Espace. Vos messages pour annoncer notamment les opérations de Noël. Pas de problème, dès maintenant, 09 150 35 50 50. Avant 18h30, nous écouterons notamment ce titre-là. La France entière danse toujours sur ce titre. Touch me. Mais également celui-ci. Funky. Funky Mix. Un titre sorti en 1982, un petit France joli. Tout de suite d'Orient, la sélection Espace 18h20. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est mardi le 27 novembre et on est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen dès 18h à la librairie L'Armitière, la rencontre avec François Valéjo. On se dirige ensuite du côté du Kind Arena à 19h30 pour le match Rouen SPO Villeneuve PPC. Au 106, dès 20h, vous retrouvez Angélique Kidjo en concert. Et puis enfin du côté de Saint-Étienne-du-Rouvray au rive gauche, dès 20h30, Nathan Le Sage et son spectacle. Et au cinéma Ariel de Mont-Saint-Aignan, toujours à 20h30, Thelma et Louise. Au Zénith de Rouen, le spectacle Disney sur glace, Croix en tes rêves vous sera proposé du 4 au 5 décembre prochain. Il reste quelques billets, alors profitez-en, ça part très très vite. Du côté d'Honfleur, jusqu'au 16 décembre en revanche, c'est la foire Sainte-Catherine avec une belle fête foraine. Ça se passe sur le parking du bassin du centre. Et une brocante vous sera d'ailleurs proposée à Honfleur ce dimanche 2 décembre, tout comme à Évreux pour les petits brocs à la halle des expositions. Et pour finir, rendez-vous à Louviers samedi dès 18h sur la place du parvis de l'église pour le lancement des illuminations de Noël. Belle soirée. Quelqu'un qui m'a dit, et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu, et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant. Te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas, c'est pour aller plus loin. Accroche-toi à tes rêves, fais confiance au destin. T'inquiète, à deux, on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit, et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Ouais. Et ça ira mieux. J'espère que votre journée s'est bien passée, à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir me laisser vos demandes de cadeaux de Noël pour être appelé dans la journée à n'importe quel moment et repartir avec les super cadeaux comme chaque année on le fait avec le Père Noël Espace au 0950 35 50 50. Ça commencera la semaine prochaine. Maintenant, 5 minutes de son 80 en mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. Funky Mix. Funky Mix. Goodbye. Why you say goodbye? quelques ronds-points en Normandie, en Picardie depuis quelques jours maintenant, teinté de jaune pour tout le monde dans les deux régions. C'était France Jolie avec un Gonna Get Over You. 18h30, tout de suite un nouveau point d'actu local et régional sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Ce matin, lors de son allocution sur la transition énergétique, Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne changera pas de cap. Mais suite au mouvement des Gilets jaunes, le président a également annoncé que la fiscalité des carburants sera adaptée aux fluctuations des prix afin d'en limiter l'impact pour les Français qui utilisent beaucoup leur voiture, et confirme aussi le renforcement de la prime à la conversion pour un véhicule plus propre. Des Gilets jaunes déçus et mécontents, des propositions qui portent plus sur l'écologie que sur le pouvoir d'achat, selon eux. Sur Facebook, certains gilets jaunes dans leur appel déjà à se rendre à Paris samedi prochain. Par ailleurs, cet après-midi à Lisieux, des gilets jaunes se sont regroupés au niveau du rond-point du Super U pour bloquer la SCA Normandie, la centrale d'achat qui livre 37 magasins Leclerc en Normandie. En Seine-Maritime, un peu moins d'une vingtaine de barrages filtrants ont été recensés aujourd'hui, dans l'Eure, une vingtaine de points de filtrage également. Et puis par ailleurs, lors de son discours, Emmanuel Macron a annoncé fermer l'ensemble des centrales à charbon en France d'ici 2022, dont celle donc du Havre. Le président souhaite également passer à 50% la part du nucléaire en 2035 avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs nucléaires d'ici à 2030. Paluel et Penly ne sont pas touchés. Plus d'une soixantaine d'agriculteurs ont manifesté aujourd'hui devant l'usine Ferrero de Villers-Écalles, premier producteur mondial de Nutella, composé notamment de 20% d'huile de palme. Selon les manifestants, les huiles de tournesol ou de colza produites localement pourraient remplacer l'huile de palme, un argument économique et de santé. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'huile de palme est sans intérêt nutritionnel et contient des acides gras saturés qui, en excès, peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires. Enfin, les agriculteurs rejettent les certifications équitables de Ferrero, d'une huile de palme sans déforestation et sans exploitation humaine. Ferrero achète 185 000 tonnes d'huile de palme par an dans le monde. C'est aujourd'hui que la 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur est officiellement lancée. Mais dès hier, les bénévoles de Neuchâtel-en-Bray, par exemple, étaient sur le pont. Ainsi, 47 familles ont pu bénéficier de l'aide alimentaire. Dans ce centre, des familles, mais surtout des personnes seules. Écoutez Sylvette Dieublé, sa responsable. Si vous êtes au RSA, forcément, vous êtes vite dans la difficulté. Si vous êtes en allocation de solidarité spécifique, c'est-à-dire à 500 euros par mois, vous êtes rapidement dans la difficulté. Si vous êtes retraité avec le minimum vieillesse de moins de 800 euros par mois, vous êtes facilement en difficulté. C'est surtout les gens en difficulté, bon, les gens qui n'ont pas de travail, qui sont un peu désinsérés, on va dire, au niveau emploi, et un petit peu sociétal aussi. Moi, je dis toujours, on a un panel de gens qui, autrefois, dans certaines usines qui existaient, comme des usines de caoutchouc, de vélo, de couture, trouver un emploi. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas l'emploi dans le système, on va dire, actuel. Le centre des Restos du Cœur de Neuchâtel collecte lui-même auprès des supermarchés du secteur des produits à date de consommation courte qu'il redistribue à ses bénéficiaires. Ceux-ci peuvent prétendre à 7 repas par semaine selon le plafond de ressources. C'est 9 points qu'on leur donne en protides, c'est-à-dire en viande, en poisson, en conserve où il y a de la viande, en légumes, soit en boîte, soit des légumes frais. En laitage, c'est-à-dire fromage et yaourt nature ou yaourt fruit, en dessert. L'an passé, le centre des Restos du Cœur de Neuchâtel-en-Bray avait aidé 138 familles. Et puis en hockey sur glace, en Ligue Magnus, les Dragons de Rouen affrontent ce soir les Boxers de Bordeaux. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, toujours un ciel maussade et humide avec donc des averses. Un thermomètre qui grimpe jusqu'à 11 degrés sur le Pays de Bray ou encore le Beauvaisis. 11 degrés également sur le Neubourg et Pont-Audemer. 12 degrés à Bernay, Rouen, Louviers-Val-de-Roy, Évreux, Vernon et le Vexin normand. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 5-6 degrés à l'heure où je vous parle, indice de nerf 3 et 4, c'est plutôt bien. Info Atmo Normandie, on attaque cette nouvelle demi-heure avec un Silk City. I know you've been

compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. J'adore, clairement. Angèle, à l'instant, avec un tout oublié, avant 19h, dans la catégorie des sons que vous choisissez, sorti en 1995. On écoutera ça. À la Proc TD. L'immobilière normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 27 novembre. Ce soir sur TF1, les chamois, nous avons découvert la famille Leroy qui n'a rien à voir avec moi. Bon bref, hein, ils reviennent à l'origine pour assister aux funérailles du propriétaire des chamois. Sauf que la fille est enceinte de 8 mois et qu'elle perd les os, elle doit accoucher mais elle ne peut pas atteindre l'hôpital. Et elle va donc accoucher au refuge et de là il va se passer plein de choses pendant 8 épisodes. France 2, Élise Lucet est en prime, Cache Investigation, on parle des implants, tous cobayes, 23h25, cellule de crise, les contaminés au cœur de l'affaire Lactalis. On revient sur cette affaire justement qui avait fait grand bruit à l'époque et puis du jour au lendemain, plus aucune nouvelle. Hein. Comme c'est bizarre. France 3, jusqu'à que la mort nous unisse, un téléfilm policier. L'histoire se passe dans un petit village. Le corps d'un garde-moniteur du parc national du Mercantour est retrouvé sans vie. Tout le monde pense à un accident sauf un de ses amis qui est persuadé que c'est un meurtre. Canal, Les Gardiennes, un drame français avec Nathalie Baye et Laura Smet. Hein. Donc c'est un film en famille. L'histoire se passe en 1916. C'est un instituteur devenu lieutenant dans l'armée française qui revient très éprouvé du front pour passer une permission de quelques jours dans son village natal. Arte inviolable, un documentaire, on fait le point sur la différence entre pays et civilisation par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. M6, la France a un incroyable talent, les jurés sont bons, les candidats aussi, 23h10. On voit les images de la même émission hein, puisqu'elle existe dans le monde entier et ils ont quand même un niveau supérieur même si cette saison en France est vraiment très bonne. Le meilleur de la TNT, TMC, 90 minutes l'enquête avec un inédit, trafic, incivilité, accident, les policiers municipaux en première ligne. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Oui, je sais, mais pas de problème. Sortir 1995, un petit John Scatman souvenir. Ça a 22 ans déjà, ça. C'est un truc de malade. À partir de 19h d'Orient pour l'Afterwork, Manu pour Funky Mix dès 21h et jusqu'à 23h. Et pour ma part, rendez-vous demain dès 17h. Passez une très belle soirée. Ciao. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be teasing any politician? Reasons who would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Yeah, I'm the Scatman. Where's the scat man? Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie, en ce mardi 27 novembre, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Deux porte-parole des Gilets jaunes nommés hier, Priscilla Ludowski et Éric Drouet, seront reçus par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, au ministère ce soir. L'annonce de cette rencontre a été faite par Emmanuel Macron à l'occasion de son discours devant le Conseil national de la Transition écologique ce matin. Son discours a déçu du côté des Gilets jaunes qui attendaient des réponses concrètes. Bien que le mouvement s'étiole, il se poursuit. La police a comptabilisé 3000 personnes ce matin à 10h contre 10 000 la semaine dernière à la même heure. L'affaire Daval recèle encore une grande part de mystère après l'annonce de l'existence d'un écrit troublant dans l'ordinateur de Jonathan Daval hier. Une nouvelle révélation pourrait faire basculer ce tortueux dossier. Trois ADN distincts avaient été retrouvés dans l'utilitaire utilisé par Jonathan pour transporter le corps de son épouse. Le sien, celui d'Alexia, et une troisième empreinte non identifiée mais présentant une forte probabilité de lien de parenté. Selon les parties civiles, ce cheveu bicolore de 8 cm appartient en réalité à Martine Henry, la mère de Jonathan Daval. Le juge doit interroger le principal suspect ce jeudi. Les fouilles ont repris au domicile d'une ex-femme de Michel Fourniret dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. Des fouilles avaient déjà été menées le 7 septembre et n'avaient rien donné. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin disparaissait à quelques mètres de chez elle entre son école et le domicile de sa mère à Guermantes. Depuis, une ombre plane sur la disparition de cette fillette de 9 ans dont aucune trace n'a jamais été retrouvée. Lors d'une audition le 2 mars dernier, Michel Fourniret avait fait dans cette affaire des aveux en creux. Le tueur en série a été condamné à la perpétuité en 2008 pour 5 meurtres et 2 assassinats. Le parquet de Marseille a ouvert aujourd'hui une information judiciaire contre X pour homicide et blessures involontaires aggravées par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette annonce est intervenue 3 semaines après la mort de 8 personnes dans l'effondrement de 2 immeubles du centre-ville. Certains immeubles continuent encore aujourd'hui à être évacués. Une habitante s'est d'ailleurs retranchée chez elle et exige qu'on lui montre l'arrêté de péril. Enfin en basket, absente de l'Euroleague depuis 2016, la France va faire son retour dans la Coupe d'Europe la plus prestigieuse en 2019-2020 et elle connaît déjà le nom de son représentant. Sans surprise, il s'agit de la LDLC Asvel Villeurbanne. Sur la plus normande des radios, Dorian. Comme tous les soirs, il est l'heure de s'installer et de se détendre dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et l'afterwork du mardi soir débute maintenant avec The Prince Karma, Later Bitches. Passez une très belle soirée. Thank you.

tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une providence, on est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Partie des artistes que l'on aime beaucoup en ce moment sur Espace, les trois cafés gourmands, avec un de nos souvenirs dans l'afterwork du côté de Gisor ou encore des Anglis. Merci d'être là. Bon retour chez vous, bonne soirée. Et puis les marchés de Noël commencent à fleurir un peu partout. Rendez-vous ce samedi 1er décembre de 10h à 18h pour celui de la Nevelière, tout juste 19h26. Ils sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. Et pour ceux qui nous ont suivis vendredi dernier dans l'Open Show, je vous rappelle qu'on vous offre toujours les albums de Monsieur Pascal Vidaillac. Ça s'appelle Ragdalam Circus. Pour les avoir, un petit message au 0 950 35 50 50. Mode souvenir maintenant dans l'Afterwork. C'est David et Jonathan avec Est-ce que tu viens pour les vacances? Bonne soirée. T'avais les cheveux blancs, un crocodile sur ton. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. J'ai pensé à toi les nuits d'hiver où j'avais froid. J'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Amour d'enfance, d'adolescence. On dit je t'aime et on oublie. changer d'adresse. Moi, je ne vais pas changer d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'en ai pas, donc ça va être compliqué. Merci beaucoup. C'était David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Sur Espace en Normandie, en Picardie, du côté de Pont-Audemer ou encore d'Evreux, où se déroulera d'ailleurs la semaine prochaine le Cross UNSS avec Espace. Tout juste 19h30, soyez prudents sur les routes, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les gilets jaunes ont poursuivi leur action de filtrage aujourd'hui à Gisors, Honnebourg, Les Andelys, Louviers, Quercy, Bourg-Achard ou encore Gonfreville-Lorchais, Dieppe, le pont de Bretonne ou encore Saint-Étienne du Rouvray et Rouen. Des manifestants qui attendaient notamment l'allocution d'Emmanuel Macron ce matin sur son plan de transition énergétique. Solène Duloup. Le président de la République a expliqué qu'il ne changera pas de cap, même s'il a déclaré comprendre les gilets jaunes. Sur le groupe Facebook Blocage Conche en Ouche, les gilets jaunes et leurs sympathisants ont vivement réagi à ce discours, comme l'a constaté son administratrice Jessica Chéron. Quand j'ai vu les commentaires des gens, je me suis dit, voilà, personne n'est content, quoi. Tout le monde est déçu de son discours. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Il n'a pas une seule fois parlé de gel des taxes. La révalorisation des salaires, pareil. Les pensions, pareil. Il a parlé que de l'écologie, mais alors tout ce que veulent les gilets jaunes... On n'en a pas entendu parler, quoi. Il dit qu'il nous écoute, qu'il nous entend, mais il ne nous répond pas. Le chef de l'État a annoncé fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022, comme celle du Havre. Le président souhaite également passer à 50% la part de nucléaire en 2035, en arrêtant 4 à 6 réacteurs nucléaires d'ici à 2030. Côté carburant, leur fiscalité sera adaptée aux fluctuations des prix afin d'en limiter l'impact pour les Français qui utilisent beaucoup leur voiture. Emmanuel Macron a confirmé le renforcement de la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule plus propre. L'essence, c'est sûr, il faut trouver des solutions. Mais je pense qu'il devrait déjà commencer à s'attaquer plutôt à tout ce qui est bateau de croisière, les avions quand il part à une heure d'ici et qu'il prend quand même son avion. D'ailleurs, sur les vols internationaux, les taxes sur le kérosène s'élèvent à 0% pour l'État français. L'État, la nouvelle cible des gilets jaunes. Sur les réseaux sociaux, les différents groupes locaux s'organisent pour poursuivre des actions de groupes ciblés. Ça a motivé les troupes. On va plus bloquer en fait les automobilistes, mais vraiment s'attaquer à tout ce qui touche l'État. Préfecture, il y a le centre des impôts à Évreux, il y a l'URSSAF. Après le discours d'Emmanuel Macron sur Facebook, il y a des gilets jaunes de l'heure mécontents annoncent vouloir aller à Paris samedi prochain. Par ailleurs, sachez que les gilets jaunes ont abandonné leur mouvement au péage de Deboutville en raison d'une ordonnance judiciaire de quitter les lieux sous peine de 10 000 euros d'amende. Et puis à Lisieux, des gilets jaunes se sont regroupés cet après-midi au niveau du rond-point du Super U pour bloquer la SCA Normandie, la centrale d'achat qui livre 37 magasins Leclerc en Normandie. Ce matin à Écouy, un poids lourd a perdu une partie de son chargement sur la départementale 6014. Pas moins de 4 tonnes de kilos de betteraves se sont répandues sur la chaussée. L'incident serait dû à la casse d'une pièce de sécurité sur la remorque. La société des autoroutes Paris-Normandie rénove de nuit deux points situés au niveau de l'échangeur A29 à 131 depuis le début de la semaine et jusqu'au 7 décembre. Ces travaux entraînent la fermeture de l'autoroute A29 dans le sens pont de Normandie-Amiens uniquement, avec mise en place d'une sortie obligatoire au niveau du diffuseur numéro 5, soit le Havre puis l'autoroute A131. 9 euros avec location de patins pour les adultes, ce sera le prix d'entrée de la patinoire de Beauvais qui ouvrira au printemps 2020 au parc Marcel Dassault. Le futur équipement sportif et de loisirs sera géré par un opérateur privé et la grille tarifaire fait débat. L'opposition municipale estime l'entrée trop onéreuse et regrette également l'absence de tarifs sociaux pour les étudiants, les demandeurs d'emploi ou encore les familles nombreuses. Et puis en hockey sur glace, en Ligue Magnus, les Dragons d'Ormois affrontent ce soir les Boxers de Bordeaux. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, toujours un ciel maussade et humide avec donc des averses. Un thermomètre qui grimpe jusqu'à 11 degrés sur le Pays de Bray ou encore le Beauvaisis. 11 degrés également sur le Neubourg et Pont-Audemer. 12 degrés à Bernay, Rouen, Louviers-Val-de-Roy, Évreux, Vernon et le Vexin normand.